Bonsoir petits et grands. Eh oui, petite erreur. Ah, j'espère que vous m'entendez parce que je suis pas sûr. Ah voilà, ça y est. Eh oui, une machine à son comme d'habitude qui commence dans le chaos et la... comment dirais-je, la décrépitude. Et oui, depuis tout à l'heure, je m'excite sur le potentiomètre juste à côté de celui auquel j'aurais dû toucher. Eh ben oui, c'est ça la machine à son. Et oui, ça fait quand même longtemps que ça existe, mais c'est toujours autant aussi merdique. Mais vous êtes là pour me sauver. Eh oui, parce que vous supportez en fait tout ce qui se passe mal dans la machine à son pour entendre ce qui se passe bien. Et hop là, bah attendez, on continue dans l'hystérie. Bah oui, parce que j'avais mis un petit truc pour combler, histoire de pas vous faire trop languir. Alors donc, voilà. Le thème de l'émission, le nom de l'émission ce soir, c'est toujours une émission à tomber raide. Bon, bah, je pense que vous avez compris pourquoi. L'idée de base, c'était quand même, de vous passer des musiques un peu différentes. Le professeur, je sais pas ce qu'il a pris comme délire, il s'intéresse à des musiques plus lourdes qu'avant, j'ai l'impression. Bon, il m'expliquera un jour pourquoi. Donc il m'a ramené tout un tas de trucs quand même plus lourds les uns que les autres, mais bon, j'ai fait quand même un choix parce que c'est pas possible, quoi. Je peux pas vous laisser non plus dans ses mains comme ça, sans défense. Donc j'assure, vous rendez pas compte, vous de l'autre côté, en fait, que tout le travail que je fais avant les émissions pour vous éviter. En fait, un jour, il faudrait que je fasse tout ce que vous n'avez pas, tous les morceaux auxquels vous avez échappé cette semaine, voilà, par exemple. Ça sera intéressant à faire. Bon, je vais lui en parler, il fait la gueule, hein, parce que je vais virer plein de trucs, là, il est dans son coin, il me parle pas. Et donc oui, il se fait un délire sur le gros son, donc il se laisse pousser la barbe, ça fait 3 jours, donc ça fait tout dégueulasse. Les cheveux, bon, y en a pour un moment, donc vous inquiétez pas, ça va, la machine à son, on va pas complètement changer d'esprit, d'attitude. Bon, au niveau technique, vous avez compris, ça restera toujours pareil. Et au niveau musique, oui, alors, bon. Pour lui faire plaisir, on va partir vers quelques mondes un peu inconnus pour moi. Donc on verra ce que j'arrive à faire avec ça. Parce que là, c'est sûr qu'il va pas m'aider, vu la tronche qu'il tire. Donc voilà, alors là on part, il m'a dit, c'est une contrée avec des prédicateurs, plutôt pessimistes. Bah, ça m'aurait étonné. Comment être optimiste aujourd'hui ? Hey, we all know how we're gonna die. qu'énormément de gens fantasment de faire l'amour sur une tombe. Mais pourquoi pas? Yeah. Encore un petit problème dans la machine à son. Quand même, c'est quand même un peu de la misère. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Je dois avoir en fait un truc contre moi là, une espèce de. Il va falloir que je me fasse barabouter, je crois. Ah, ça y est, voilà, le bouton bleu, c'était celui-là. Alors attendez, on recommence depuis le début en direct, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc la suite de la programmation musicale extraordinaire de la machine à son. Et allez, c'est parti. Bon, décidément, c'était pas le bouton bleu sur lequel il fallait appuyer. Vraiment, je suis minable. And nice. défunt très. Du coup, le roi s'est voulu pendre. Entre nous, je lui crois la cervelle un peu dérangée. Et un jour qu'il courait les bois à la recherche d'une branche qui fût vraiment digne de lui, il s'est trouvé comme ça tout d'un coup devant une jeune fille. Une adorable créature qui avait même chevelure, même figure, même tournure. Tout ? Oui, tout. On aurait dit la reine. Tout juste comme elle était quand le roi. Yeah. Don't be satisfied with a lack. Every time you say goodbye, you die a little. Don't make fools, don't worry about the penny. The penny's gonna be chocolate. Put on the other track the whole day. Review? Bonsoir, mesdames et messieurs. Successfully, but fuck it. Let's roll around in pig shit. Hang around Dan Coral, watching the pimps kick 7 barrels of shit out the women. What have I done to you? Shut your mouth and stand where I fucking tell you to. 2 white, 1 dog. The only bookies in town where the horses bark and vomit. The stench of El Doctor. He dangles his victims from the legs of his helicopter. Fucking idiots. Do you think riding around on a BMX is gonna make me feel intimidated? Smash your face, come back into next week, along with the 3 snakes around your Babylon feet. You're in, mate. Welcome to the club. You're in, mate. Welcome to the club, you're in, mate. Welcome to the club. You get the private dancer from the ready room. The only phone on the road is chlamydia ridden phlegm stank with a fucker cell processed peas as weed. It's cold when I look out my window. Another local pub burned down to the ground. I fucking hate them Motown nights anyway. It's Jive Bunny meets Lucy fucking Pinder on ice. I got a hoopla and I'm gonna fucking swing it at you. Let's aim bombs at the licensee. Let's aim bombs at the licensee. I rig one up to the toilet seat. I do a lethal weapon on the traitor. Yeah, I'll get his ass chip tater. Yeah, ta-da. club, you're in, mate. Welcome to the club, you get the private dancer from the ready room. Blower. Vous êtes bien dans la machine à son, l'émission la plus déglinguée de Radio Campus Montpellier. Et là, le professeur est allongé, le visage contre le carrelage frais. Et la musique ne démarre pas. Ah, voilà. Dancing in the blackout, a jukebox cannonball. It's the last redneck trucker up against the wall. He's seen it all. Nothing hurts me anymore. I think I know the score. Nothing hurts me anymore, said the face on the factory floor. Trouble on the tractors, for all you lonely fools. Love is alive in cheap hotels and empty swimming pools. It's keeping cool now. Nothing hurts me anymore. I think I know the score. Nothing hurts me anymore, said the face on the factory floor. Yeah, on the factory floor. Factory floor. On the factory floor. On the factory floor. On the factory floor. I saw that face, son. It's too late to say we're sorry for what you've done to me. The world's mad with fear, my dear. It ain't what it used to be. We're as boring as our enemies. I have the face on the factory floor. I'm standing in the driveway. I'm a subhuman man. So nothing hurts me anymore. I think I know the score. It's an ancient face. It's a sort of a real face. Am I that face on the factory floor? Nothing hurts me anymore, said the face on the factory floor. For a million years I've known the score, said the face on the factory floor. Said the face, I said to the face. I am the face, you are the face, we are the face, they are the face. Every face in the crowd. I'm the face. He thinks he's the only one who feels the pain. But you gotta feel ashamed to scream it out loud. Factory face. You know I've never replaced my factory face. I'm the face. You're never gonna crawl out from your factory face. I'm the face. The face on the factory floor. I'm the face. You know I don't think you know. Don't think you know. I don't think you know the score. I said. I'm the face. Factory face. Factory face, yeah, yeah, now. Factory. In the big house, they're branding niggers. Home on the range, when God's done. Up in the big house, they're branding niggers. Destroy life, take him gold. Stringing him up, whopping him down. Ugly boys are with highest man. Sing hallelujah. house, they're branded niggers. Home on the range, white guns done. Up in the big house, they're branded niggers. Destroy a life to give them go. Stringing them up. Yeah. kanzu tama yo na nyaya kin kanza ma manza dunia seni wo kanzu tama yo na nyaya kin kanza ma hey abona ba kwe irgo no yo kuna e po tinkar bebe dana kigi takes over. When the music's over, subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. In the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends alive, she cried, waiting for me. Avant que vous tombiez dans le grand sommeil, il est de mon devoir de vous réveiller un petit peu, juste tranquillement, pour vous annoncer que c'est fini. Cette émission assez chaotique, mais qui n'est pas pour nous déplaire, le professeur et moi, il a retrouvé sa joie. Eh oui, ça se finit toujours bien, la machine à son. Donc ce soir, vous avez la chance d'écouter les Doors derrière, qu'on va laisser en tout petit. Voilà, comme ça il ne nous gêne pas. Et après, dans le plus grand désordre, vous avez écouté Colin Stetson, Hortus, des petits bouts, Avalanche, non, lui vous ne l'avez pas écouté, pardon, Emeka Ogbo, Palm Groove, c'était les sons de pluie à un moment donné, Orchestre Super Bourgou de Paracou, ça c'était fabuleux, c'était vers la fin. Qu'est-ce que vous avez écouté d'autre? Les Viagra Boys, toujours aussi extraordinaire. Uluru Dreaming, Sunrise Over Uluru, je sais plus quand c'était. Guilty Razor, Hurts and Noises. un peu le truc de ce soir, vous voyez, des coups et du bruit, enfin du bruit, bof, j'ai eu pas mal de blancs quand même. The Kundalini Genie, Desi Fered, alors ça fabuleux, fabuleux. Lunar Funeral, Sex on a Grave, Slift, découverte ariégeoise de la machine à son, nous sommes toujours légèrement en retard. Heavy Road, pas mal, pas mal, pas mal. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? L'excellente Daniel Dax, les MC5 complètement ratés, vous avez juste droit à la fin du morceau et les hurlements. Kim Foley, toujours aussi, voilà, vivant. Un peu de Carmina Burana avec Clémence Consort et compagnie. Bah, c'était pas mal, c'est bien passé là, espèce de chant un peu lyrique. Là. Faust, incroyable Faust. Un cadeau qu'on a fait au professeur un jour, Faust, il était très content. Guilty Razor, toujours bien. Et les Silford Mods, incontournables dans la machine à son. Et oui, vous avez bien compris que dans la machine à son, on fait de l'éducatif, donc régulièrement, on vous repasse les mêmes choses. Vu qu'il reste quelques minutes, je laisse la parole à Monsieur Morrison. With your ear down to the ground, we want the world and we want it. We want the world and we want it now. Now. Radio Campus Montpellier, et c'est la nuit.